Bonjour du bord du Casumaï. Je suis partie du port de Saint-Quay le 11 juillet 2022 sur un voilier de 7,60 m. Nous sommes deux, Fabrice le capitaine et moi. La figure de proue tient bon, même quand le gros clapot la menace. Le voyage ne fait que commencer. Le homard et la moko. Ce bateau incorpore des œuvres depuis 2019. Il est parti de Cherbourg et ira jusqu'à Marseille, relayé par des artistes. Samedi 9 juillet, Cherbourg. 6h05, temps clair, vent nord moyen 3. Ciel bleu, mer belle, 7h, moteur. Route au 300. 9h30, grand voile plus génois, 3,2 nœuds à la surface, 6,8 sur le fond. Route 235. 10h50. Moteur 5-6, 6-7. 225. 11h30. Grand voile plus génois. Arrivée Guernesey, Saint-Péter à 14h. Départ Guernesey 17h30. Payé 30 euros ou 23 livres pour 3 heures. Grand voile plus Foch Inter, cap 117, vent nord 3. Arrivée Cercle, la Grande Grève, 19h. Ancre. Problème sondeur intermittent. Guernesey. Saint-Péter. Saint-Péter. Cercle. La Grande Grève. Port Armor. Saint-Quay-Portrieux. Un départ de Saint-Quay, donc, et un arrêt à Port-Salle, où Fabrice récupère une rame pour le bateau. On rencontre un pêcheur, Joël. Il est sourd et c'est à peine s'il me voit. Il parle d'ici, la vie, celle des poissons. Les homards, ils mangent la moko. C'est la petite bête qui mange la grosse, au marteau et à la pince coupante. La moko cadis. C'est le pétrolier qui s'est échoué ici le 16 mars 1978. Une marée noire. Il y a un bout de moi qui s'arrête ici dans le voyage. Je le rejoindrai plus tard pour continuer l'histoire. Abrea. Secteur nord-ouest, 50 cm à 1,50 m. Ailleurs. Ouest, à nord-ouest. À 3 mètres. Dépression midi-est Pascal au nord-ouest de l'Irlande, se décalant vers l'est en se comblant. Anticyclone 1032 hectopascal au nord-est évasor avec dorsale s'étendant vers la France. Stationnaire. Vent. Ouest, à sud-ouest 4, à 5. Localement 6 vers la règle. Mer. De la Abrea. Agité. À agité. De Bria, à Parma, agité, à fond. Les homards sont très copains. C'est des amis, attention. Il y a un homard là, le homard est pas loin. Et s'il y a un con dans le casier, le homard est pas loin. Port Blanc, cette île, île Bonneau, île de Bas, Brignogan, Port Salle. Ah ouais, c'est pas des conneries. Nous nous amarrons à une bouée pour aller chercher la rame. Joël est sur le mol. On vient à sa rencontre en annexe. La godille, c'est pour faire office de gouvernail si on perd la direction. C'est en prévision du passage au large de l'Espagne et du Portugal. On dit que des orques s'amusent à attaquer les bateaux. Ça peut servir à les repousser. En ce moment, je lis Moby Dick, page 232. Le capitaine Akab appelle l'équipage à une chasse effrénée contre la baleine qui lui a fait perdre sa jambe. C'est pour les orques ? Ouais. Il m'avait dit il va pas tout manger. je sais pas comment on fait, mais en tout cas c'est pour les écarter et voilà, et aussi s'ils cassent le. C'est pour les écarter, ouais. Ouais, comme ils font de long au moins 3 mètres, 2 ou 3 mètres. Plutôt 5-6 mètres, ouais. 5-6 mètres, mètres, même plus. Et vous avez vu plusieurs fois? En fait moi j'ai jamais eu, mais c'est dans la zone de l'Espagne, nord de l'Espagne là. Ah ouais. C'est des groupes d'orques qui jouent avec les bateaux. Ils viennent croquer, ils viennent se frotter contre. Voilà. Ça casse les safrans. Voulez-vous le voir, le bateau? On le voit d'ici. Voulez-vous le voir? Il est juste là. Le ouais. Bateau. Ouais. On le voit là. La fin du jour approchait. Soudain, il s'arrêta près de la rambarde, plaça sa jambe dans le trou de tarière qui se trouvait là et, se retenant d'une main au galoban, il ordonna à Starbuck de rassembler tout le monde à l'arrière. Bah, j'espère que l'aviron vous servira à quelque chose, surtout pour écarter les orques, c'est pas mal. Si je tape sur la tête d'un orque avec l'aviron, je vous envoie une photo. Ouais. Sire, c'est Donald II. car ce commandement n'est presque jamais donné à bord, sauf dans un cas extraordinaire. « Tout le monde à l'arrière », répéta Akab. « Et là-haut, l'équipe de une, descendez. » Quand l'équipage entier fut assemblé devant lui, le dévisageant avec surprise et appréhension car il ressemblait à l'horizon du côté au vent quand l'orage se lève, Akab jeta un rapide coup d'œil du côté des rambardes, puis sur les marins, et, quittant sa place, il se mit à déambuler lourdement comme s'il n'y avait eu âme qui vive à ses côtés. Tête penchée et le chapeau sur les yeux, il continuait sa promenade, indifférent au chuchotement des hommes surpris. Stubb murmura tout bas à Flask qu'Akab les avait fait venir pour les faire assister à une démonstration de course à pied. Mais ça ne dura pas longtemps. S'arrêtant brusquement, Akab cria. « Que faites-vous quand vous voyez une baleine, les gars ? On la signale !» fut la réponse en chœur spontanée d'une vingtaine de voix. « Bien !» cria encore Akab, une approbation sauvage dans la voix, et profitant de l'animation dans laquelle sa question inattendue les avait précipités comme magnétiquement, il continua. « Et ensuite, que faites-vous, les gars ? On met à la mer et on la poursuit. Sur quel air ramez-vous ? Elle crèvera ou nous crèverons ?» À chaque cri, la physionomie du vieillard devenait de plus en plus étrangement et sauvagement approbatrice. Là-bas, il y a les graines, les mains de glace, tout ça, les boussaines, l'île verte. Ici, les cailloux sonnent. On les reconnaît. D'une oreille à l'autre, c'est comme ça qu'on sait où on est, comme ça qu'on sait où on va. Boulric, Milou Varney, il y en a plein là. Et Rorzu, il y a... Ah non, mais nous on les connaît tous parce que bon, on est né là, on n'a connu que ça et puis c'est tout. Quoi. Quand la mer descend, la roche elle est presque au ras de l'eau. Vous voyez tout de l'eau partout, mais moi je sais que je ne passerai pas à tel endroit parce que là il y a une grosse roche. ...10h15, grand voile plus Pi. Vent 3-5, cap 180. 11h50, observation requin pèlerin. 13h, grand voile plus génois. 16h, vent nul après passage de la pointe du château. On sort la mitraillette. La ligne s'accroche sous le bateau, s'en mêle autour du safran. Le vent se lève. On affale. Fabrice plonge pour démêler la ligne. Brest. Douarnenez. Morgat. Saint-Évette. Portudi. Ce soir, à la marina du château, on accueille Reda et Mathilde. En cherchant un objet lié à une histoire d'une œuvre du bateau, on tombe sur une autre. Changement de direction. On débarque à Marseille, la destination finale de l'actuel voyage. On sort du coffre un drapeau imbibé de gasoil, fait de toile de cerf-volant. Une anguille, un réservoir de gaz, une cheminée rouge et blanche. L'histoire de l'étang de Berre a défriché. Départ 11h20, grand voile plus génois, vent est-nord-est, 3, Tambo, mer belle. 18h25, moteur. 19h, grand voile plus génois. 20h15, arrivée d'Ornenay, port rue. Ouais, même au milieu, là-bas, ça devait faire canard un peu avec la réverbération sur la tête. Ouais, là, il faisait bien chaud aujourd'hui. Ouais, ouais. Il faisait bien chaud. Bon bah allez, bonne soirée. À plus tard. Allez, à plus. Ici, c'est chaud à la Moco Cadiz. On a fêté ses 40 ans en 2018. C'était peut-être le dernier anniversaire. Bientôt, ils auront tout mangé. La mer avale et recrache des tonnes de cailloux qui pleuvent sur les routes les jours de tempête. Les ormeaux, ils s'en foutent des tempêtes. Eux, ils redoutent les marteaux et les fourchettes. On voit plus rien. Le sable enfonce. L'encre est exposée sur les pavés de granit du front de mer pour les vieux qui viennent se souvenir. Un zodiaque sort du port au moteur. Un canot rejoint la plage à la godille. J'avais rencontré un pêcheur ici. Ouais. On avait acheté une godille. Et donc c'est un gars de Port-Sale qui vient d'arriver en bateau, qui s'appelle Joël. Ouais, je viens de voir passer. Ouais. Toi, t'as acheté une godille à Joël. Bah, pas moi, le propriétaire du bateau a acheté une godille à Joël. Moi aussi, j'ai acheté une godille à Joël. C'est vrai. Ouais. Ah bon? C'est vrai. Une petite godille pour mon bateau, j'en avais plus. Celle que j'avais était pourrie. Puis je regarde sur le bon coin. Je sais plus, j'ai payé 20 euros, une vieille godille. Le bon nickel, c'est juste ce que j'avais besoin. Là, il y a l'encre de la Moco Cadiz qui est là. Et dans la pointe, ça veut dire que la Moco Cadiz a coulé là-bas. Et ça puait le gasoil, ça prend la vache. Enfin, le mois d'août, quoi. Et j'avais 11 ans à cette époque-là, ça a bien marqué dans ma tête. Hein. Et c'était un mercredi que le bateau était éclaté en deux, hein, la tempête ici. Et il y avait le marais noir, tout en haut. Ici les militaires ont nettoyé, on va dire, 15% du mazout qu'il y avait là. Mais les 80%, c'est la mer qui avait la tempête qui a nettoyé, qui a nettoyé la côte, mais ce n'est pas les militaires. Enfin, je me rappelle bien. Ici, on a du bol. C'est la cata, hein. C'est que la mer, elle est forte. Il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de vagues, des tempêtes. Ça nettoie. Si on était en Méditerranée, ils seraient toujours en train de nettoyer. C'était notre terrain de jeu à 8 ans, souillé par du pétrole, on s'en était plein. Notre mère était toujours en train de nous nettoyer le pétrole quand on était à la plage. Ça durait 2 ans, 3 ans, quoi. Et ils savaient, c'était un problème de conception du bateau. Ils avaient même appelé Meunier avant. Meunier, c'est le gros mécano ici à Brest. Ils avaient commandé la pièce, hein. Mais ils ont dit non, c'est bon. Alors que c'était prévu de venir en baie de Dordogne et les gars de Meunier devaient embarquer à bord. Puis pour des histoires de... Non, ça va le faire. Et le truc, il a pété au large de l'essence. Il y a eu 5 bateaux, pareil. Côté fabriqué, il n'est pas vieux le Moco, hein. C'est un bateau tout neuf. Et il y avait un problème de conception. Le mec qui a inventé le système de barre est mal fait. Mal fait son boulot, parce que le bateau est à la côte. Je me souviens du silence de la mer d'huile noire. Et j'entends les cailloux qui crient. Paré à virer ? Paré. J'entends le marteau et la pince. Bonjour du bord du Kasumaï. Aujourd'hui, relais d'équipage à Douarnenez. Le passeur des histoires de ce bateau, qui incorpore les récits et les œuvres de 35 artistes, s'en va. Que va-t-il nous en rester et comment les transmettre à notre tour? En filigrane sur la barre, senti au toucher et presque invisible, Trust in the unexpected. Douarnenez, Morgat, Saint-Évette, Portudy. C'est bon. Ok. Welcome to le festival de la chute. We are happy to present you today the 13th greatest artist jumps of all time. Moi je vais faire la 3. C'est Kishi Ikemizu Skydiving 1967. Est-ce que tu peux décrire la chute s'il te plaît? C'est une belle chute. Une belle chute avec deux bras ouverts comme des ailes d'avion et les jambes courbées. Je vais me faire une Martin Kersel. Je vais faire un Peterland Step Ladder Blues. Wow, franchement c'était réussi. Bien joué. Ouais. Nous voilà à Groix dans notre voyage de Cherbourg à Marseille. Hier, nous sommes partis de Saint-Évette, 60 000, dans un beau temps, une mer belle, des dauphins qui surfent avec nous. C'est comme ça qu'on a accueilli sur l'île de Groix. Une arrivée avec une fin de loup de mer. On sort des placards les ingrédients pour confectionner la recette du bateau, un mix entre le cassoulet et le rougail. Ce matin, j'écrivais une de ces cartes. Je ne me souvenais plus d'une des œuvres du bateau. Une lourde pierre gravée qui servira de lest pour faire une bouée et sceller les histoires quelque part. Je l'ai sortie du coffre arrière pour pouvoir nommer la gravure. Colporté, colporteur, colporteuse. Le capitaine du bateau d'à côté nous pose des questions sur cette encre. On l'a revue quelque temps plus tard. Je l'ai enregistrée. Il était plongeur des mineurs. Plongeur des mineurs ? Ouais. C'était quoi ton travail ? On te forme déjà à plonger jusqu'à 80 mètres de fond. Donc t'es tout ce qui est opération de recherche sous-marine au-delà de 35 mètres, c'est dédié pour ce genre de plongeur, d'unité. Donc quand un bateau coule, quand il faut aller chercher des corps ou quand il faut chercher des indices, bah, c'est toi qu'on envoie. De 0 à 30 mètres, globalement, les pompiers peuvent le faire, pompiers, gendarmes, mais au-delà, c'est trop technique et ça demande trop d'entraînement, donc on envoie ce genre de personnes. Donc tu fais soit de la plongée à 80 mètres, tu peux faire aussi recherche et destruction de munitions de guerre sur les plages et en mer. Et donc tu peux le faire aussi en sous-marin, c'est-à-dire que tu peux souvent, en fait, surtout là-haut, les pêcheurs remontent des bombes ou des mines dans leurs filets ou autres. Bah, du coup, c'est toi qu'on appelle, tu interviens sur le bateau et tu remets la munition à l'eau ou tu la neutralises et après tu la fais détruire sous l'eau. Enfin, tu la détruis sous l'eau. Voilà. C'est super intéressant. La plongée est dangereuse. La plongée est dangereuse. Parce que la plongée, en fait, tu peux avoir un accident de plongée sans faire d'erreur. C'est un jour, ton corps il va mal réagir et. Tu vas avoir une bulle qui va se créer dans tes veines et puis tu peux faire une embolie ou une. Donc tu peux faire un accident de plongée tous les jours. Donc la plongée c'est dangereux. Après le déminage forcément ça l'est un peu aussi mais c'est plus maîtrisé en général. En général quand on plonge assez profond on a toujours un caisson de recompression en surface. Donc en cas de pépin, on te met dans le caisson et on te renvoie à une certaine immersion, recréer la pression quoi, pour faire en sorte que en fait, la bulle qui a à 60 mètres de fond, elle est toute petite. Bah forcément, quand tu remontes à la surface, la bulle est grossie. Et c'est ça qui vient créer, qui vient faire des bouchons. En fait. Le fait de remettre un accidenté dans un caisson, bah, tu remets la pression, donc la bulle, elle diminue. Et avec un traitement médicamenteux, tu vas faire en sorte que... Bah, que ça va fluidifier ton sang et que la bulle elle va s'évacuer d'elle-même. Quoi. Mmh. Départ Portudi, midi 10. Vent sud-ouest, 7 nœuds. Le vent monte et passe ouest à la tombée de la nuit. Un riz génois en terre. Nuit noire. Le vent prend encore des tours. 17 à 27 nœuds. Deux riz avec petit phoque. La mer se creuse. Clapot serré. Vague raide. Je prends mon car. Il pleut. Mer agitée. Je galère à la barre. Je commence à avoir froid. Une vague passe par-dessus bord. Je suis trempée. J'ai froid. Le mal de mer me prend. Je m'allonge dans le cockpit. Je somnole. Réveille toutes les 15 minutes. La godille attachée au banc par un bout se dessert et manque de me tomber dessus. Passage sous tourmentin pour moins taper dans les vagues. Pluie au lever du jour. Un riz et petit phoque. Dans la matinée, GV et génois inter. Vent ouest, nord-ouest. Cap 210. Avant le coucher du soleil, grand génois, 12 à 15 nœuds. La nuit, le vent tombe, 7 à 13 nœuds. Travers largue. La houle dégonfle les voiles. Toute la nuit à se relayer à la barre, on arrive à trouver le bon compromis cap vitesse pour garder les voiles gonflées. Au lever du jour, génois remplacé par spi. Trop proche du vent arrière pour garder le génois gonflé. Le vent n'a jamais été constant depuis le début de la traversée. On teste de nouveaux réglages toutes les 30 minutes pour garder un peu de vitesse. Matinée sous spi donc. Vent nord, nord-ouest. Longue houle. Vent baisse jusqu'à 14h40. Dans 7 à 11 nœuds. Vent nord. Moteur, 14h45. Arrêt, 18h45. Hissage spi, vent nord-est, 8 à 11 nœuds. Affalage spi à la tombée de la nuit. Hissage grand génois. Arrivé à 1h au Puerto Deportivo de Giron. Giron, Cudillero, Luarca, Ribadeo, Vivero, Cadeira, La Corogne, Redes, Malpica. 5 août, Laurence a mal au dos, repos nécessaire. Temps mauvais, vent fort plus vague. Nous décidons de rester au port, la houle entre dans le port, nuit agitée. Dimanche 7 août, Vivero. Un bateau français a été approché par des orques à l'est. Une inquiétude sourde, plane et elle est palpable. Radio VHF 16 Finistère, annonce de présence d'orques. Ne pas s'en approcher et respecter les consignes du site Orco Iberica. En présence d'orques, si c'est possible dans les conditions de mer et votre situation, ralentir, arrêter le moteur, affaler les voiles, désactiver le pilote automatique et lâcher le gouvernail. Éteindre la sonde, garder allumée la VHF et collecter les informations de positionnement à transmettre. Notez que les épaulards ne confondent pas le gouvernail avec quoi que ce soit. Ils savent ce que c'est, comment il bouge et quel effet il a lorsqu'on le touche. La vitesse du navire et la résistance du gouvernail le font persister dans l'action. Malpica. Temps clair, légère brume matinale, vent calme. 5 dauphins viennent jouer avec la coque. Pas d'orque aujourd'hui. Connerie du jour, pour le gréement du phoque, a mis le point de drisse au point d'amarre et a laissé le point d'écoute fixé au pont avant. En amarrant l'arrière du bateau à une bouée, Ambroise a quitté l'annexe sans l'attacher. Heureusement, sa coéquipière lui a rapidement signalé. Ambroise s'est alors envolé tel un oiseau ou un crapaud, muni d'un courage et du bout passé dans la bouée. 15 août. Départ 11h. Côte truffée de casiers et la longue houle du nord du Portugal s'annonce. Nous avons passé la frontière. Mardi 16 août. Temps... j'arrive pas à lire. Mercredi 17 agosto. Temps dégagé avec quelques nuages à l'horizon. Départ 11h45 vers Porto Novo avec un vent opportun. 14h30, changement de cap. Nouvelle direction, Bayona. Les conditions sont toujours idéales. 17h30, arrivée au port de Bayona. Le temps est ensoleillé et agréable. Petite note, une pointe de vitesse exceptionnelle de 8,5 nœuds en surfant sur les vagues, avec Marion Robin à la barre et Émilie Launay à la veille. Finisterra, Ribera, Bayona, Povoa de Varzim, Porto, Matosinhos, Praia do Farol, São Jacinto, Lisbonne, Figueira da Foz, Sagres, Nazaré, Olhão, Ayamonte, Chipiona, Casual dans le coffre, Sanlúcar Cádiz, Grand Ménage, Tanger, Rincé, Veste de Car, Algezira, Système anti-chute du bouchon de gasoil, Fuengirola, Replier voile Malaga, correctement, Motil, Passez tout, Almeria, Brossage, Coque Almeria, San José, Cartagena, Formentera, Cala Saona, Savina, Barro la Bota. Je retourne à Port-Sal. Joël arrive de la pêche sur son canot et le tire sur la plage. Il dit qu'il pêche les homards à la rouille en fabriquant lui-même ses casiers en ferraille parce qu'ils adorent ça. Il dit aussi qu'il ne reste pas grand-chose de l'épave de la Moco Cadiz. J'imagine que les homards s'en sont fait un festin. Je cherche, au loin, entre les cailloux, un signe de son existence. Ça résonne dans l'eau, vous pensez ? Le courant fait que l'épave travaille. Le courant il augmente, plus la marée monte, plus le courant augmente. Et ça fait bouger l'épave. Même en plongée, c'est une des épaves les plus dangereuses d'Europe. Ça monte à 400 mètres de courant comme au niveau de l'épave là. Moi j'ai jamais plongé dessus moi. Il y en a qui font. Hein. Il y avait un club de plongée qui faisait. Elle n'est pas à 20 mètres. Hein. Ouais, il n'y a pas énorme, bah du coup elle est à 20 mètres, mais ouais, même à grande marée basse, tout juste si elle ne dépasse pas. Là. À marée de 112 mercredi, ouais. Ah là, on aurait pu l'avoir à marée. Ouais, bah tu verrais juste un petit bout dépasser peut-être. Peut-être à marée de 112. Ouais. Mais il paraît qu'il en reste plus beaucoup. Non, elle se détruit. Hein. C'est comme les Titanic, ils sont en train de se faire bouffer par. Bah, les homards. Les homards, sans doute. Tous les ans, je pêche des homards. Il y a du mazout dessus et la rouille. Parce qu'ils vont dans les tôles depuis la Moco. Il y a des grandes tôles qui restent, ils vont en dessous. Et comme ils se frottent avec la carapace, sur les pattes ici, sur le dessus, souvent, on voit des traces de. Quand il est cuit, surtout, quand il est bleu, quand on sort, on ne voit pas, mais quand il est cuit, il est orange, et là, on voit les traces de mazout. Si, tous les ans, j'ai 3-4 comme ça. Et vous pensez que c'est plutôt la rouille ou le mazout qui l'attire ? Je pense que c'est la ferraille. Salut Jo ! Et donc, dans les casiers, vous mettez de la ferraille ? Bonjour ! Oh ben non, moi je leur mets un morceau de vieille à chaque casier et puis c'est tout. Hein. Toi tu casses des trucs à la pêche. Hein, ouais. Il faut mettre des poissons assez durs. Soit du grondin, soit de la raie, soit. Après il faut la saumurer. Il faut saler. Ouais. Pour le homard, c'est mieux. Ouais. J'entends le marteau et la pince. J'y suis et j'y reviens. Pour le homard et la moco. Je leur laisserai de quoi se sustenter de dorades salées colorées par la rouille du grillage à poule d'un casier bancal. Mais tout en son et lumière. Une boule à facettes des hauts fonds. Ibiza. Cala, Cadella. San Antonio. Cabrera. Albarca. Mallorca. Saint-Elme, Solaire, Barcelona, Sète, Marseille, le Frioul. On est où déjà ? Albarca. Cala, Albarca. On entend des planctons sur la coque. Il paraît que c'est des planctons. Lundi 7 novembre, 11h, ancre levée, départ à voile GV plus génois, ciel bleu, quelques cirrus isolés, puis spi. Maintenance winch tribord à faire. 13h19, pointe à 8, GV plus spi blanc. 15h, affalage en face du mauvais moulin. 15h15, moulin aligné sur pointe en 2h18, en tronc port Liégat. Le blé ou le mouton? Mardi 8 novembre, 1015 hectopascal, 11h, 25-30 nœuds de sud-ouest annoncés. Calcul de la déclinaison sur la carte, 0,10 ouest en 2005, ça fait 17 ans avec 2022. Ça se décale de 6 minutes est, 6 fois 17 égale 102, divisé par 60, 1,42 moins 0,10, la déclinaison c'est 1,32 sur la carte. La radio pour la météo c'est 65. On va vers 7. Deux minutes 22 d'enregistrement. Et nous sommes à Ibiza. Nous sommes à Ibiza. Nous sommes à Ibiza. Alors là, comment je fais? Stop. Stop, je rappuie sur enregistrer. C'est serré là. Non, mais ça va pas du tout là. Allez, on vire devant. Vendredi. Nord-est, 4-5 Beaufort. On va passer à l'inter là, les amis. Ok. Ouais, on change. Ah, je vois la cardinale de Frémont. Piémançon. Piémançon. Elle est où? Elle est là-bas, là. Sous le vent, sous le. Ah. Sous le génois, sous l'inter. Ah! C'est une quoi? C'est une nord? 6, 7, 8, 9, 10. Tu la comptes comment? 10 secondes? Ouais. 6 plages plus 1 an? On est arrivé à 1h30, à fond tout du long. On a vu un phare. On a vu le phare de 7. Rouges. Ça pouvait être le phare de 5 flashs rouges. Ici, on a bien failli se manger une barque spéciale au milieu de nulle part. 18h45. Mm-mm. Au passage du cap Tramontana, nous traversons un banc de poissons s'agitant à la surface de l'eau. La ligne est à poste, sans hameçon. Départ 12h20, mer agitée, gros nuages. 13h30, retour à l'abri le temps de laisser passer les nuages. Sacré grain, sacré graal. On quitte l'Espagne sans avoir posté les cartes postales. Le chapitre espagnol est fini. On réalise, en fait, c'est la fin du voyage. Mais peut-être aussi c'est tenté que le voyage continue vers Mars, si la météo est bon, ok. Je sais pas vous, mais si on va pas en boîte, moi je vais me coucher. On va vers 7. Faut préparer des routes alternatives, voir s'il y a des abris pour la nuit, si ça change. 7, c'est Cap 15, il y a 70 000, peut-être on peut s'arrêter à Portbourg, Cerbère, Cap Béar. Attention à la tramontane demain. 12h42, départ. GV de Riz plus Foc 2, décision prise, cap sur 7. 15h40, empannage, cap à sud 18. 17h20, soleil disparaît. 42 degrés, 40 minutes, 18, 3 degrés est, 22, 3. Belle houle, belle rafale de sud-ouest. Pleine lune à mèche. Fin de la lecture. Odeur de pétrole brut. Le vent faiblit. Ça caille comme on n'en a plus l'habitude. Cap Couronne, phare en vue à 6000. C'est la capitainerie ça, non? Vous avez vos téléphones? Oui, bonjour. Voilà. Bonjour. Là pour ce soir, mettez-vous juste là sur ce ponton. Là le mieux, vous mettez là, là n'importe où. Vous vous culaquez, vous prenez une pendille. Et après demain, on voit si vous pouvez mettre ailleurs. Hein? Ok. Voilà, à 8h. Ok. Bah, bonne soirée. Cherbourg, Guernesey, Saint-Peter, Cerque, la Grande Grève, Port Armor, Saint-Quay-Portrieux, Port Blanc, Sept-Îles, Île Bonneau, Île de Bas, Brignogon, Port-Sal, Brest, Douarnenez, Morgat, Saint-Évêque, Portully, Riron, Cudillero, Louarca, Ribadeo, Vivero, Cadeira, La Corogne, Redeis, Malpica, Finistera, Ribera, Bayona, Povoa de Varzim, Porto, Matosinhos, Praia do Farol, São Jacinto, Figueira da Foz, Nazaré, Cascais, Lisbonne, Sagres, Olaon, Ayamonte, Chipiona, Saint-Lucar Cadix, Tanger, Gibraltar Algezira, La Baratilla, Fuengirola, Malaga, Motril, Almerimar, Almeria, San José, Cartagena, Formentera, Calasaona, Savina, Bayola Bota, Ibiza, Calacadela, San Antoni, Cabrera, Albarca, Mallorca, Saint-Elme, Solaire, Barcelona, Sète, Marseille, le Frioul. Tu peux tenir cette amorce ?